6. La vieillesse du romancier. À cette époque restive de la Bretonne, passait une partie de ses journées au palais royal, où s'était établie une sorte de bourse qui devenait le thermomètre de la valeur des assignats. Tous les jours, il voyait sa fortune fondre et espérait en vain un retour favorable. Les derniers volumes des Nuits de Paris sont pleins d'imprécations contre les agioteurs, qui faisaient monter l'or à des prix fabuleux et anéantissait les richesses en papier de la République. Puis il allait passer ses soirées au caveau, car ses ressources ne lui permettaient plus le café manouri. Lorsque, par une réaction rare, l'assignat avait haussé dans la journée, il emmenait quelques femmes de moyenne vertu souper à la grotte flamande, où l'on se permettait encore quelques orgies à bon marché. Ses chagrins affaiblissaient parfois son esprit toujours enthousiaste, et dans chaque jolie personne aux pieds fins et à la chaussure élégante, il croyait retrouver une de ses filles, produit des bonnes fortunes si nombreuses de sa jeunesse. Il est probable qu'on abusait souvent de cette monomanie paternelle pour obtenir de lui des cadeaux ou des soupers. Peu communicatif ou très prudent sur les matières politiques, il ne courut pas de danger pendant l'époque de la Terreur. Les hommes lui importaient peu, et l'ambition des partis lui répugnait. Ce qu'il voyait se passer à cette époque ne répondait nullement à ses rêves. Personne ne songeait au communisme. Parmi les jacobins, tout au plus, on voulait le partage des biens, c'est-à-dire une autre forme de la propriété morcelée, populaire. Quant au panthéisme, qui donc y pensait, sinon un petit nombre d'illuminés? On était généralement athée. La fête donnée par Robespierre à l'être suprême lui parut une tendance bien faible, vers une rénovation philosophique. Toutefois, il eut quelques regrets à voir Robespierre renversé par des gens qui ne le valaient pas. À partir de ce moment, son homme fut Bonaparte. Dans les écrits mystiques des derniers jours de sa vie, il le représente comme un esprit médiateur, issu de la planète de Sirius, et qui a mission de sauver la France. Pour comprendre cette supposition étrange, il faut se faire une idée du livre de Restif, intitulé « Lettres du tombeau ou les posthumes », qui parut sous le nom de Cazotte. Les deux premiers volumes de cet ouvrage furent inspirés par une idée charmante de la comtesse de Beauharnais et faits en partie par Cazotte, ainsi que Restif le reconnaît dans ses mémoires. Un jeune homme nommé Fontelette est amoureux de la femme d'un magistrat. Ce personnage est fort âgé, et la femme victime d'un mariage de convenance promet à Fontelette qu'il sera éventuellement son second époux. Le jeune homme se fatigue d'attendre. Dans un moment de découragement, il renonce à la vie et prend de l'opium. En ce moment, on lui apporte un billet de faire part qui l'instruit de la mort du magistrat. Désespéré doublement, il court chez son médecin qui lui donne un contrepoison. Il se croit sauvé. Il épouse bientôt celle qu'il aimait. Mais quelques jours après le mariage, une langueur inconnue le saisit. Il consulte la faculté. C'est le poison mal combattu qui cause son mal. On lui annonce sur les instances réitérées qu'il n'a plus guère qu'un an à vivre. La mort l'épouvante moins que la pensée de quitter une femme jeune, honnête, il est vrai, mais qui ne peut manquer de se remarier après lui. Il conçoit alors un projet singulier. C'est de s'éloigner de sa femme et de faire en sorte qu'elle ignore le moment où il mourra. Il demande au ministre une mission pour l'Italie et part pour Florence, sous prétexte de services importants à rendre à l'État. Il prolonge son séjour sous divers motifs, et dans l'année qui lui reste, écrit une série de lettres qui devront être adressées à sa femme, de différents points de la terre et à diverses époques, comme si l'État l'eût envoyé de pays en pays sans qu'il pût refuser ses services. Ces lettres, confiées à des amis sûrs, se succèdent, en effet, pendant plusieurs années, apportant la consolation à cette veuve sans le savoir. Le correspondant posthume n'a eu qu'une pensée. C'est de prouver à sa femme, un peu adonnée aux idées matérialistes du temps, que l'homme survit au corps, et retrouve dans d'autres régions toutes les personnes aimées. Ce cadre est fort beau sans doute. Seulement Restif, qui en réalité est une sorte de spiritualisme païen, tire de la doctrine des hindous et des égyptiens la plupart de ses arguments. Tantôt l'homme repasse dans un autre corps après 1000 ans, comme chez les anciens, tantôt elle s'élève dans les astres et y découvre des paradis innombrables, comme dans Swedenborg. Tantôt elle s'éthérise et passe à l'état d'ange ailé, comme dans Dupont de Nemours. Mais après toutes ces hypothèses, le véritable système se démasque et on arrive à une cosmogonie complète, qui présente la plupart des suppositions du système de Fourier. Un personnage nommé Multipliandre a trouvé le secret d'isoler son âme de son corps et de visiter les astres, sans perdre la possibilité de rentrer à volonté dans sa guenille humaine. Il s'établit sur un sommet des Alpes, dans une grotte couverte par les neiges, et s'étant enduit de substances conservatrices et placé dans un coffre bien défendu contre les ours, il arrive à cet état d'extase et d'insensibilité où certains santons indiens se réduisent, dit-on, pendant des mois entiers. Là commence la description des planètes, des soleils et des cométoplanètes, avec une hardiesse d'hypothèse qu'on ne nous a pas épargné depuis. Il est fort curieux de pénétrer dans cet univers formulé, après tout, d'après quelques bases scientifiques, où nous trouverons la Lune sans atmosphère, Mars habité par des poissons à trompe et le Soleil par des hommes d'une telle taille que le voyageur ne trouve à causer là qu'avec un ciron qui se promène sur l'habit d'un individu solaire. Cet insecte n'a qu'une lieue de haut, et son intelligence, quoique fort supérieure, se rapproche de celle des hommes. Il explique que l'être suprême n'est qu'un immense soleil central, cerveau du monde, duquel émanent tous les soleils, chacun d'eux vivant et résonnant et donnant le jour à des cométoplanètes, c'est-à-dire les secouant dans l'espace, à peu près comme l'astère de nos jardins secoue ses graines. Quand les cométoplanètes sont ce qu'on appelle aujourd'hui des nébuleuses, elles nagent dans les terres, comme des poissons dans l'eau, s'accouplent et produisent des astéroïdes plus petites. En mourant, elles se fixent et deviennent satellites ou planètes. Dans cet état, elles ne subsistent plus que quelques milliards d'années, et c'est de leur décomposition successive que naissent les végétaux, les animaux et les hommes. Les espèces dégénèrent à mesure que la corruption s'avance. La planète se pourrit tout à fait ou se dessèche et finit par être la proie d'un soleil qui la consume pour en reproduire les éléments sous les formes nouvelles. Le ciron solaire n'en sait pas davantage, et l'auteur avoue qu'il peut s'être trompé sur bien des points. Mais combien ces données sont déjà supérieures à l'intelligence des hommes ? Multipliandre finit par trouver le secret de créer une race d'hommes ailés et d'en repeupler la Terre. Du reste, la plupart des hypothèses de ce livre sont présentées sous la forme caustique de Micromégas et de Gulliver. C'est ce qui en fait supporter la lecture. Jamais écrivain ne posséda peut-être à un aussi haut degré que Restif les qualités précieuses de l'imagination. Cependant, sa vie ne fut qu'un long duel contre l'indifférence. Un cœur chaud, une plume pittoresque, une volonté de faire. Tout cela fut insuffisant à former un bon écrivain. Il a vécu avec la force de plusieurs hommes. Il a décrit avec la patience et la résolution de plusieurs auteurs. Diderot lui-même, plus correct, Beaumarchais, plus habile, ont-ils chacun la moitié de cette verve emportée et frémissante qui ne produit pas toujours des chefs-d'œuvre, mais sans laquelle les chefs-d'œuvre n'existent pas. Son style, chacun le connaît par l'une ou l'autre de ses œuvres, qu'on avoue guère avoir lues, mais où l'on a parfois jeté les yeux. Une ligne qui serait digne des classiques apparaît tout à coup au milieu du fumier, comme les joyaux d'Ennius. On connaît déjà celle-ci. Les mœurs sont un collier de perles. Ôtez le nœud, tout défile. Veut-il peindre un homme d'un trait, le voici. Mirabeau servait les patriotes, comme Santeuil louait les saints, avec un mauvais cœur. Quand le mot lui manque, il le crée, heureusement quelquefois. C'est ainsi qu'il parlera d'un sourire si théréique, de la mignonnesse d'une femme. « Je chimérais, dit-elle, en attendant le bonheur. » Pour trouver dans le passé un pendant à Restif de la Bretonne, il faudrait remonter jusqu'à Cyrano de Bergerac, pour l'extravagance des hypothèses, jusqu'à Furetière pour ses facéties d'analyse morale et de langage, où il se complaît jusqu'à Daubigné pour cette audace d'immoralité gauloise qu'il ne sut point supporter. Car très capable souvent d'affêterie et de recherches prétentieuses, il appliquait d'autrefois le mot propre à des détails, qu'il eût mieux valu cacher. Comme Voltaire, à l'école duquel il s'honorait d'appartenir, il haïssait les critiques, les feuillistes, et les attaquait souvent en termes peu mesurés. Il les appelle soit des malhonnêtes gens, soit des polissons cruels. La harpe est pour lui un stupide animal, qu'il faudrait traîner dans le ruisseau. Fréron, un faquin. Geoffroy, un pédant. De Marcy, éditeur de l'Almanach des Muses, est une simple brute, qui a lu le paysan perverti sans en être touché. Ceci n'approche pas encore des aménités littéraires du vieillard de Ferney, mais Restif n'avait pas le crédit qu'il fallait pour hausser le ton à ce point. Toutefois, sa susceptibilité vis-à-vis de critiques, qui avait été bien même bienveillant pour quelques-uns de ses écrits, finit par amener à son égard la conspiration du silence. Il demeura le seul à annoncer ses livres, comme depuis longtemps il était le seul à les imprimer, et comme il finit plus tard à être le seul à les vendre. Les libraires l'aimaient peu, parce qu'une fois introduit dans leur maison, il racontait l'histoire galante de leurs femmes, s'éprenait de leurs filles, en faisait leurs portraits minutieux et parlait de leurs aventures. Ce n'était pas toujours un voile suffisant pour la curiosité que l'anagramme des noms qu'il employait volontiers. Mérigot devenait Torrijim, Vente Etnev, Costard Dratstock, ainsi de suite, si bien qu'il ne faut pas s'étonner de trouver sur ses derniers livres cette simple désignation imprimée à la maison et se vend chez Marion Restif, rue de la Bûcherie, numéro 27. Ceci explique en partie le peu de succès de ses derniers ouvrages et la résolution qu'il prit de faire paraître le plus remarquable d'entre eux, les Lettres du Tombeau, sous le nom de Cazotte, qui du reste avait coopéré au plan de cette œuvre toute empreinte d'illuminisme. On a dit à tort que Restif était mort dans la misère. La chute des assignats lui avait fait perdre ses économies. Le peu qu'il tirait de ses livres, pendant la Révolution, le réduisait souvent à une gêne rendue plus pénible par ses charges de famille. Mais quelques amis, Mercier, Carnot et Madame de Beauharnais, le relevèrent dans ses moments les plus critiques, et lorsque l'état devint plus tranquille, on lui procura une place de 4 000 francs, qu'il remplit jusqu'à sa mort arrivée en 1806. Cubière Palmezeau publia en 1811 un ouvrage posthume de Restif intitulé « Histoire des compagnes de Maria ». Le premier volume est consacré en entier à une appréciation littéraire, qui dans beaucoup de points est spirituelle et bien sentie. Cubière cite un trait qui prouvera que Restif, bien que communiste, n'était pas un ennemi de la monarchie. Il avait à la Convention nationale un ami, qu'il aimait et estimait depuis longtemps. Le jour de la condamnation de Louis XVI, Restif alla avec un pistolet dans sa poche attendre son ami sous les portiques et lui dit quand il le vit sortir de l'assemblée « Avez-vous voté la mort du roi ?»« Non, je ne l'ai pas voté. Tant mieux pour vous, reprit l'écrivain, car je vous aurais brûlé la cervelle. » L'œuvre complète de Restif de la Bretonne s'élève à plus de 200 volumes. Nous n'avons pas compris dans notre énumération quelques romans pamphlets tels que « La femme infidèle » et « Ingénue Saxancourt », dirigés l'un contre sa femme Agnès Lebeg, l'autre contre son gendre Auger. Cette rage de vouloir constamment prendre le public pour arbitre et pour juge de ses dissensions domestiques était devenue dans les derniers temps de la vie du romancier une véritable maladie, de celle que les médecins rangent parmi les variétés de l'hypocondrie. On conçoit qu'une injustice aveugle a pu résulter de cette disposition. Du reste, sa femme elle-même le comprit ainsi, car dans une lettre adressée à Palmezeau, qui lui demandait des renseignements sur le caractère de son mari, on ne trouve que des éloges sur sa bienfaisance et sur cette sympathie pour l'humanité en général, qui ainsi que chez la plupart des réformateurs, ne se répandait pas toujours sur ses amis et sur ses proches. Nous avons donné, avec trop de développement peut-être, le récit d'une existence dont l'intérêt ne réside sans doute que dans l'appréciation des causes morales qui ont amené nos révolutions. Les grands bouleversements de la nature font monter à la surface du sol des matières inconnues, des résidus obscurs, des combinaisons monstrueuses ou avortées. La raison s'en étonne, la curiosité s'en repaît avidement, l'hypothèse audacieuse y trouve les germes d'un monde. Il serait insensé d'établir, sur ce qui n'est que décomposition efflorescente et maladive, un mélange stérile de substances hétérogènes, une base trompeuse, où les générations croiraient pouvoir poser un pied ferme. L'intelligence serait alors pareille à ces lumières qui voltigent sur les marécages et semblent éclairer la surface verte d'une immense prairie qui ne recouvre cependant qu'une bourbe infecte et stagnante. Le génie véritable aime à s'appuyer sur un terrain plus solide et ne contemple un instant les vagues images de la brume que pour les éclairer de sa lueur et les dissiper peu à peu des vifs rayons de son éclat. Notre siècle n'a pas encore rencontré l'homme supérieur par l'esprit comme par le cœur, qui saisissant les vrais rapports des choses, rendrait le calme aux forces, en lutte, et ramènerait l'harmonie dans les imaginations troublées. Nous sommes toujours en proie aux sophistes vulgaires, qui ne font que développer sous mille formes des idées dont ils n'ont même pas, on le voit, inventé les données premières. Il en est de même de cette école si nombreuse, aujourd'hui d'observateurs et d'analystes en sous-ordre, qui n'étudient l'esprit humain que par ses côtés infimes ou souffrants, et se complaisent aux recherches d'une pathologie suspecte, où les anomalies hideuses de la décomposition et de la maladie sont cultivées avec cet amour et cette admiration qu'un naturaliste consacre aux variétés les plus séduisantes des créations régulières. L'exemple de la vie privée et de la carrière littéraire de Restif démontrerait au besoin que le génie n'existe pas plus sans le goût que le caractère sans la moralité. Les aveux qu'il fait des regrets et des malheurs constants qui ont suivi ses fautes nous ont paru compenser la légèreté de certains détails. Il y avait là une leçon qu'il fallait donner tout entière, et dont une réserve plus grande aurait peut-être affaibli la portée.